Parce que ce monde de brutes manque cruellement d'amour, les éditions Colombine vous proposent la collection « Affaires de cœur sensible ». Syrie, Irak, Afghanistan, des histoires d'amour plus fortes que la barbarie. Le premier numéro, le secret de Druze Mountain. Cela faisait maintenant 3 jours que Mokhtar défendait la colline avec Ahmed, son compagnon d'armes. Il remarqua pour la première fois ses traits fins sous cette barbe fournie et se surprit à le trouver beau. Le secret de Druze Mountain, l'histoire d'amour de deux djihadistes que la guerre en Syrie a réunis. Ahmed le faisait rire. Il se sentait tellement bien avec lui. La peur des attaques rebelles l'avait pratiquement quitté. Avec lui, il se sentait en sécurité. La collection Affaires de cœur sensible, des œuvres où l'amour gagne le combat contre la guerre. Lorsqu'Ahmed lui effleura la main pour prendre sa kalachnikov, Mokhtar sentit pour la première fois son cœur faire « boum ». Avec la collection Affaires de cœur sensible des éditions Colombine, l'amour triomphe toujours. Ça va pas la tête ?